J'enlace Mélodie. Et c'est qui? C'est Mélodie. Ben la Mélodie. Mais laquelle? Moi, je connais Mélodie Tremblay. Oh, pas la belle Mélodie Tremblay. La très belle. Oh, cette mélodie que je voulais me mettre en bouche. Et puis, en bouche aussi, partout. Partout. J'étais lumineux comme le poivre de Cayenne. Ben oui, quand on m'a aspergé mercredi. J'étais dans une manifestation interne, en fait, avec mon groupe rénaldien. Moi et mes personnages, moi et mes amis imaginaires. Hey, en parlant d'amis imaginaires, écoute-moi ça. J'étais dans un petit café à Limoilou parce que ça m'arrive de fréquenter la populace. J'étais à Limoilou, dans un petit café que je peux pas nommer, mais pas très loin de CKRL. Et là, il y a quelqu'un qui veut une place parce que c'est des bancs d'église. Moi, je me suis agenouillé. J'ai fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais avoir un café latté. Flattez-le, s'il vous plaît, et placez un beau cœur à l'intérieur de cette broue. Ce qui fut exaucé! Et là, quand elle a fait un beau cœur, j'ai été en amour avec vous. Et là, la petite cafetière, là. Oh, j'ai une histoire incroyable, va naître. Fait que là, je vais la voir. Bonjour, madame. Vous m'avez fait un beau petit café? Oui. Merci beaucoup. Le petit cœur, c'est un message? Non, on fait ça à tout le monde. À qui? À tout le monde. Ben ouais, ben à moi. Ben, vous êtes tout le monde. Pardon? Ben, vous êtes tout le monde. Ah non, hey, moi c'est Rénal Gagné. Oui, ben en fait, je vous connais pas. Rénal de Gagné, RAYNALDGAGNE, accent aigu. Ouais, et puis? Ben le petit cœur. Ben oui, on fait ça à tous nos clients. Ben non, mais moi je suis pas un client, moi là. Non, moi j'ai demandé un café. Là, vous m'avez donné un, merci, avec chocolat, machin, truc. Puis vous m'avez mis sur le dessus, là. Yeah, il y avait de l'avoue, c'est l'avoue, il y avait le c'est. Ben oui, on fait ça tout. Hey, arrêtez-moi ça, vous, là. M'en pas, on va vous embarquer. Je l'ai mis de la police, moi, là. Les ambulanciers connaissent ça, moi, là. Je peux vous nommer 10 polices rapidement comme ça. Je peux vous faire peur, si vous voulez, là. Je sais que vous êtes amoureux de moi, je voulais pas le dire. Okay. Vous êtes malade? Oui. Ah, j'ai une grosse grippette qui s'en vient, là. J'ai un éternuement dans quelques secondes. Si vous voulez vous tasser, sinon vous allez tout recevoir en plein visage. Là, on se connaît pas encore. Là, l'intimité, c'est plus tard. Là. On gêne pas après. Hein. On ventile, on tousse, on l'a. Puis croyez-vous que... Non, je crois pas du tout. Ben voyons donc. Non, j'ai une copine. Pardon? J'ai une copine. Ah, vous avez une copine. Ben, vous pouvez me la présenter? Non, c'est ma copine. OK. Moi, le lapine. Pas une lapine, une copine. Une copine, une lapine, bon. Il n'est pas si bon que ça, votre café. Mais voyons donc, il est fait avec amour. Ah, oh, c'est pour ça le petit cœur. Non, c'est une autre histoire. Oh. Alors, j'étais lumineux comme le poivre de Cayenne. Ben, c'est ce que j'ai reçu en plein regard éberlué mercredi. Mes amis imaginaires et moi, mes personnages, étions en manifestation. On s'est dit, faut nous faire connaître des individus qui veulent pas reconnaître l'émission depuis le temps qu'elle existe. Ben voyons donc, toi, c'est comme... T'es radical? Très, très radical. Moi. Plus radical que ça, moi, là, ça existe pas. Tu sais, il y a la ligne médiane, immédiate. Le point virgule, le point d'interrogation, d'exclamation, il y a aussi la clé de sol. Ça, c'est une autre, mais c'est de la mélodie, là. En parlant de, ouais. Des blanches, deux croches noires, noires, noires, blanches. C'est ça. Et puis, à travers ça, ben, il y a quelques gammes, là, qu'on essaye d'amalgamer à travers une portée, très portée sur la chose. Laquelle? Ben, la chose mélodique, là. C'est une étrange histoire entre un piano mécanique que j'ai rencontré dans une boîte à musique Et coup sur coup, elle m'a donné des avant-goûts de sa sonorité. Et j'ai dit, je l'achète! Elle pas à vendre. Ben voyons donc, je l'achète. Ah oh, non, ça ici, là, c'est tout ce qui a appartenu à Claude Léveillé. Ah mon, pas le grand Claude, le grand Claude Léveillé. Ben c'est ça, je le prends. Non, tout est pas... Non, dans notre société, je sais que vous pouvez acheter bien des choses. Vous pouvez acheter des voitures, vous pouvez acheter du linge, vous pouvez acheter des appareils ordinés, mais pas l'amour. Puis pas ce qui a appartenu à Claude Léveillé. Mais voyons donc, toi, je l'aime. On sait que vous l'aimez, M. Gagné. Gagné, Gagné, Guenon, Gagné, Guenny. On sait que vous l'aimez, là. Bon, c'est pas la question. Satanée question, tous les jours de la semaine, elle me répond. Oh, tu n'as pas de soucis à te faire, on est mystère. Au coin de l'amour. Au coin de l'amour, il y avait une grande intersection. Celle qui se demandait pourquoi y entrer. Oui, pourquoi pénétrer dans cette aventure extravagante qui pourrait nous mener très loin. Et quand je dis loin, là, c'est peut-être vers le bout. Le bout. Le bout. Ben oui, la Terre est plate. Mort un autre. Et Galilée est mort en vous disant que la Terre était ronde. Pourquoi vous continuez? Non, non, moi, je continue pas, moi. Moi, là, pour moi, là, tout est pizza. Tout est pizza, pizza, une pizza, une pizza, c'est rond, une pizza. Il y en a des carrés, ben, c'est pas des pizzas. Pizza, c'est rond, c'est goûteux, donc c'est comme la croûte terrestre. La croûte, là, moi, je la mets à 350 au four, c'est la croûte panne. Alors, la terre, c'est une croûte panne. À l'intérieur, c'est du fromage. La mozzarella. Qui? Mozzarella, non, elle est pas là, non, elle est partie. Ben voyons, elle foutu le camp? Oui, oui, avec le camembert, pas le camembert. Mmh. Va t'en prendre 2 litres. Non, non, il y a pas de litre là-dedans, elle est partie. Elle est partie dans le pepperoni cuit au four comme la terre qui se laisse amoindrir à chaque coup qui ce soit n'est presque plus au rendez-vous. Partie de ton esprit? Ah, mon esprit est tout le temps là. C'est tellement vrai, là. OK, on va faire une session de spiritisme. Ah, mon doux. C'est assez. Restez tranquille. Respirez par le museau. Inspirez. Et mon Dieu, ça va bien. Ah, oui, j'ai comme. Je sais plus comment. Inspirer, expirer, transpirer. Va nu pied, mon Gandhi. Et tu diras aux gens qui ne croient pas en toi que Galoche sous pied n'est pas comme Pierre dans les eaux. Ah, mon Dieu, non. Parce que eau brouillée amène l'eau Perrier. Oh, tu viens de faire une publicité. Eau minérale. Peux-tu souiller le mot ferrier par minéral? Non, non, tu l'as dit. Ben ouais, faites des coupures! Ah ben là, tranquillement, on va être obligé d'en faire, mon beau Rétal. Pourquoi? On n'a presque plus de budget, donc des coupures, ça va se faire automatiquement. Dans mon compte de banque? Ah, dans ton compte... dans ton compte cérébral. Oh, on a déjà commencé? Oui, il en reste de moins en moins. Là, si tu baisses pas le son, là, nos... OK, comme ça. Bon, on s'excuse auprès de nos auditrices qui tentent de fermer. Ben oui, je sais, votre mari veut pas. Mais le son, il dit des vérités sur les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tout ce qui nous entoure, les fleurs. Hey, t'as-tu entendu son poème sur les fleurs au mois d'avril? Non. Ben, il n'en a pas encore fait, mais il va se préparer. Ben, pourquoi tu m'as dit qu'il l'avait fait? Non, je l'ai dit qu'il l'a peut-être fait. Hey, toi, là... Depuis que je t'ai marié, là, tu enjolives la réalité. Tu me fais croire à des choses qui n'existent pas. T'es un insignifiant. Oui, je le suis. Ah bon? J'espère que quand tu m'as marié, tu n'as pas pensé que j'étais une insignifiante. Oui, tu l'es. Je l'ai. Je ne l'ai pas trouvé, mon Roméo. Roméo, mon Roméo est à Cendrillon. Quoi, il est long, le chemin de l'amour. Il y a quelqu'un qui m'a dit, cette nuit, on ne peut pas changer le monde. On ne peut pas changer le monde. Ça, c'est intéressant parce que cette semaine, je parle de ça. Et la semaine prochaine, ce sera « On peut changer le monde ». Alors, la négation n'y sera pas. Mais là, je dois vous convaincre qu'on ne peut pas le changer. C'est tellement la réalité qu'on ne peut pas changer le monde que depuis que le monde est monde, on n'a pas changé grand-chose, hein? Non, mais c'est... Vous avez raison, monsieur. Ben oui, j'espère qu'il a raison, c'est lui qui dit. Non, mais il pourrait truquer l'information. Comment ça? Qui truque les informations, là? À part les médias, à part les informations, à part les journaux, à part certains journalistes et journalistes. Oh, c'est vrai. Ben oui! Les seules personnes, individus, qui ne corrompt absolument rien, et il y a une radio qui divulgue la vérité, c'est CKRL. C'est qui? CKRL. CKRL! Oh, c'est vrai! C'est vrai! Surtout de minuit à 2h. Qu'est-ce que tu dis là? Non, je fais la publicité. Non, mais tous les jours, tous les soirs, tous les matins, la vérité sort de la bouche de CKRL. C'est pas des enfants? Ben oui, oh, oui, mais aussi de CKRL. Ça, je sais pas, on l'a perdu là au fil des années là avec des messages qui ont été brouillés. On disait souvent hein, oh! Allons, la vérité sort de la bouche des enfants. Ah, oh, des petits, des grands enfants, des moyens enfants, des gros enfants, des petits, des mecs, des très mecs, des mecs. Mais aussi, ça c'est le bout là qu'on a effacé parce qu'on n'avait plus de pellicule. Ah, moi je me lave les cheveux. Non, pas ces pellicules là, des pellicules. Des bandes magnétiques. Oh! C'est magnifique, les bandes magnétiques. Ah, c'est magnifique quand ça bande magnétique. Mais la suite, c'était... C'est quoi, RL? La vérité sort de sa bouche. Et c'est pour ça qu'on l'aime. On aime qui, la bouche? Ben là, oui, la bouche de C'est quoi, RL? La bouche qui nous amène du divertissement et de la compréhension. Eh, monsieur! Eh, ça va paraître dans des publicités. Ben oui, on va m'appeler, là, puis moi, je suis pas disponible. Ah, non. Si vous voulez pas payer, là, ce talent-là, là, ça se trouve pas dans des boîtes de céréales. La sérénale, pas céréale. Oui, Non, je voulais pas dire que... Monsieur, avez-vous compris ce qu'on... Ben oui, c'est vrai, c'est pas une boîte de... Moi, sérénale. Mais ça se trouve pas tout ça dans les boîtes de céréales. Bon. Comprenez-vous la différence entre céréales et sérénales? Bon, c'est vrai. Plus c'est important de savoir qu'on peut pas rien changer. C'est comme ça. Depuis que le monde est monde. On va vivre avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Ça sert à rien, les manifestations. Dans un temps, il y aura bien du temps. Dans un temps, il y aura des tourments, des complications qui rentrent dans la tête. La tête des gouverneurs, des gens qui nous dirigent. Hey, on s'imagine, encore là, on s'imagine que le monde est mieux. On s'imagine... Que le ciel est bleu, on s'imagine qu'il n'y a pas de soleil quand il y a des nuages. On s'imagine que les gens... C'est une people. Une people, que les poules ne percent pas leurs dents. Aïe, aïe, c'est fatigant. Ben oui, c'est certain. Hey, tu veux cueillir un œuf de poule? Puis le bec rempli dedans de cette volaille croque à même son petit être. Ben non, c'est un œuf. Ben oui, mais cet œuf-là, c'est quoi? C'est un être qu'elle a pondu? J'ai pondu un être dans le trou de mon champ. C'était ma semaine. Qu'est-ce que je m'appelle? Ben oui, quand la poule pond, le bec n'est pas loin. Ah, mon Dieu, le bec! Ben oui, la pointe de sa bouche. Ben, c'est pas une bouche, c'est une gueule. Une gueule? Oui, on n'a jamais entendu qu'une poule avait une gueule, moi, là. Non, mais ferme-la, le bec. Ferme ton bec et tais-toi. OK, merci. C'est pas gentil, là, mais on l'accepte. Non. tout ce qu'on nous dit, on l'écoute, puis on se plie. Aïe donc! Aïe oui! J'ai un mal de dos, moi, là. Tu m'as plié, je suis cassé à 350 degrés. Mets-moi au four! Gratiné, cratiné. Aïe oui! Ça fait mal à mon cœur d'animal. De quoi meurent les Québécois? Oh, on l'a fait, ça. Voyons, on sait de quoi meurent les Québécois. Ils meurent de désamour. Monsieur le Président, et on me regarde dans HD, là. Il me semble que j'ai une petite broue au niveau des deux babines. Comme Raymond DeVos! Comme Raymond DeVos! Où est DeVos? Dans sa tombe. Dans sa tombe, dans sa tombe, dans sa tombeau, là. Où est DeVos? Où est DeVos? Dans sa tombe, dans sa tombeau, là. Là, là, non, ouais, là, là, là. À cet instant, là, là. Hey, en passant, le Radioton de Sécurité a été merveilleux, extraordinaire. Nous avons explosé notre objectif de 100 % là. On a donné notre 102 % et trois quarts. 103, 104, 106. Moi, j'ai fait 112 de fièvre. J'étais là devant le micro. On a dit, hey, il est surnaturel. Il est tellement surnaturel qu'on le placera pas parmi nos notre liste d'invités radiophoniques. Comment ça? Ah, c'est du trop lourd. C'est du trop lourd. Ben, si vous voulez savoir ce qui s'est passé lors du Radioton de CKRL et entendre la radiodiffusion en direct, allez sur le site de l'Errance Rénaldienne. On a un site, nous autres, là? On a un site. Nous autres, là? Nous. Un propre site avons-nous grâce à qui? Grâce à Phébu. Phébu, c'est qui Phébu? C'est un ami imaginaire. Merci, Phébu. Merci. Monsieur le Président, Monsieur les patrouilles, c'est un nouveau personnage, ça, Phébu. Je le connais pas, Phébu. C'est vrai, hein? On l'aime pas, hein? C'est un prénom que, ouais. C'est vrai. On l'enlève, on l'anéantit. D'accord, en direct, on l'enterre. Oh non, on fera pas ça devant le peuple, là. Les gens aiment pas ça, la violence. Puis on fait pas ça d'une manière violente, là. On l'endort. C'est du bon être qu'est-ce et la tourne. Fabu, fais dodo. Pédonné dans l'église. Oui, là, tout petit dodo. Fais venir l'ambulance, on va le faire partir. On va le partir. Loin, loin, amenez-le. Amenez-le en Belgique. Amenez. Devant des frites. Des frites et des moules et des frites. Puis de la bière. Là, monsieur le Président, de la bière. À cet âge-là, ça boit de la bière. Mais voyons, 43 ans, là. Vacciné, vermifugé. C'est un dramaturge sans talent. Peut-être que le houblon lui amènera quelques effervescences intellectuelles. Ben, t'es-tu un cinglé? Oui. J'espère que pendant toute ma vie, je serai comme ça, moi. Un malade. Comme ça éloigne les normatifs. Tu sais, les gens disent... Oui, bonjour, Rénal. Oui, bonjour, c'est moi, Rénal. Oui, vous faites l'émission La Chose, là? Oui, La Chose. Je suis La Chose et je fais La Chose. Nous sommes des choses qui se respectent à travers tant de choses qui ne se respectent pas. Mais moi, vous me voyez, en fait, je vois des choses étranges. Ben, c'est moi! Monsieur le Président, monsieur le patron catholique, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Le Néant. Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Virginia, oui, non, c'est Virginia. Oh, Virginia Woolf, Virginia Woolf, quand tu me regardes, je te caresse. Attention, fils, c'est beau ça, merci. Virginia Woolf, Virginia Woolf. Ben oui, c'est vrai. Attention, Facebook veut manipuler vos amis. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Ben, depuis le tantôt, là. On l'a programmé pour une seule phrase, mais il est bon là-dedans. Là. C'est comme des comédiens de deuxième ordre. Vous avez votre cheval est prêt, Gontrave. Cheval? J'ai pas de cheval, moi. J'ai des chevaux. Vos chevaux sont prêts, mon Gustave. Chevaux? J'ai pas de chevaux, moi. J'ai des cheveux. Vos cheveux sont prêts, mon Gustave. Ah oui, j'ai des cheveux secs. Les cheveux de l'archiduchesse sont-elles secs? Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Et qui? Ça va bien? Ça va très bien. Moment de silence. Sentez-vous la puissance de l'intellect qui entre à l'intérieur de l'être pour mieux s'extérioriser? C'est un travail, ça, là. Les mammouths, les babouts et les tripoutes n'arrivent même pas à ça. Le yoga non plus. Yoga, ce gars-là. Vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Aujourd'hui, le vendredi 24 mai. Aujourd'hui, le vendredi 24 mai. Il fait beau. C'est beau, c'est bon, c'est chaud. Il y a du soleil chez mon voisin. Il y a du soleil, c'est pas pour demain. C'est une histoire qui fait du bien. C'est une histoire qu'on voit de loin. Aujourd'hui, le vendredi 24 mai 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur, du compositeur, de l'interprète Albin de la Simone. Albin de la Simone est né le 14 décembre 1970 en France, à Amiens. Albin de la Simone est un auteur, compositeur et interprète français. Fils d'un clarinettiste de jazz, il se berce de mélodies depuis son enfance. Depuis son nom à La Simone, une rivière, Albin de la Simone décide très tôt de suivre les courants de l'art. Après avoir pris des cours de piano à Montigny-sur-l'Alu, sur l'allure de son talent, Albin de la Simone monte sur la vague du succès. Et comme Hawaii. Hawaii, ben oui, il y a de l'eau à Hawaii. Oui, il y a aussi des Hawaïennes à Hawaii. C'est vrai. Hawaii-moi des Hawaïennes, s'il vous plaît. Combien d'Hawaïennes? Deux Hawaïennes. Deux Hawaïennes, combien de... Ben, deux Hawaïennes. D'Hawaï? Ben là... Si... Devant moi, se présentent deux Hawaïennes qui ne sont pas d'Hawaï, d'où viennent-elles? Ben oui, donc. Hawaï, donc, ouais. Elles viennent d'Hawaï. Ben oui, je sais. Ben, c'est ce que je demande, moi, là. Tu me dis d'Hawaï. Ben oui, je veux deux Hawaïennes d'Hawaï. D'où peuvent-elles venir si elles ne viennent pas d'Hawaï, si c'est deux Hawaïennes d'Hawaï? Hawaï. Après avoir pris des cours à Montigny sur l'Alu, où il passe son enfance, il va se trouver vers le SSSN. Hein? Comment? Il va se trouver vers le SSN avant de se retrouver... Ah, le dessin! Mon dessin SSN! C'est ton imprimante qui n'imprime plus! Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, il faut lire à travers les branches. Ben oui, mais il y a trop de feuilles! La feuille est dans la branche est dans l'arbre. OK, devant son nom, laisse-moi... Okay, on le sait. Déjà là, prends pas panique. Continue. Respire par les moustaches. Où il passe son enfance, il se trame ce soir un mystère venu d'ailleurs. D'ailleurs, il est temps de le dire au peuple. Avant de se retrouver dans l'écriture et la composition. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là. Mais non, ah ouais, non, non. Un dessin, fais-moi. Alban, fais-moi un dessin. Je vais te faire un sans-dessin. Ouais, ah, c'est qui? C'est Rénal Gagné. Alain, c'est quand tu veux. La petite Bill, elle est malade, elle a besoin d'une promenade avec un qui serait son amoureux, une heure ou deux. La petite Bill, y a le temps qui presse, elle a besoin d'une caresse, des doigts gentils, des doigts doux, dessus, dessous. Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde. Quand ça coule de tes yeux, ça tombe. Mais c'est pas des confettis, cette pluie. Elle a trop lu de littérature, la plume cœur, les égratignures, les petits revolvers en dentelle, les coups d'ombrelle. Elle les a attendus sans rire, les rubans bleus, les soupirs. Que des trucs qui n'existent pas qu'au cinéma. Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde. Quand ça coule de tes yeux, ça tombe. Mais c'est pas des confettis, cette pluie. La petite Bill, elle fait la gueule. Elle dit qu'elle est tout le temps toute seule. Mais tout le monde vit séparé du monde entier. Elle a beau faire du jardinage dans son 24e étage, les géraniums, les bégonias, ça lui réussit pas. C'est une vieille maladie poisseuse, un sacré manque d'amour qui creuse. Dans nos villes, dans nos campagnes, ça gagne. C'est une vieille maladie poisseuse, un sacré manque d'amour qui creuse. Dans nos villes, dans nos campagnes, ça gagne. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous ai chanté une chanson juste avec ma guitare, comme ça c'est pour vous faire peur. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis avec Albin de la Simone, Fabrice Moreau et Michel-Yves Cauchemann. Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je sens ta main se poser sur la mienne. De joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est le son. Ah non, non, non, c'est merveilleux, je veux. Mmh. Ben oui. Tu vas avoir beaucoup. Non, non, non, le micro est fait pour ça, j'ai payé en conséquence. Hein. Alors, plus il y a de bruit, plus j'aime. Hein. Donc, oui, oui. Je t'ai donné rendez-vous ici parce que le 104, c'est par là-bas. Oui. Chez moi, c'est par là. Et ici, c'est direct en métro pour toi de Abbesse. Oui, oui, oui, oui. Donc, tu vois, sur ce métro-là. Et je savais que c'était un point facile à trouver, à marquer le jour. Effectivement, Jaurès. Mais je viens à Paris à chaque année, donc je trouve n'importe quel. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était pour te faire un rendez-vous facile, quoi. Ah, c'est très bien. Oh oui, j'ai localisé très rapidement. Puis, le 104, c'est un endroit génial. Ouais. C'est un lieu culturel. Mais pourquoi ça n'existe plus ? Non, c'est pas que ça n'existe plus, c'est que c'est fermé ce matin. Pourquoi ? C'est fermé le matin en général. Ah, c'est bonjour, un café s'il vous plaît, avec un verre d'eau. Pardon, monsieur ? Ça ouvre à midi. Okay. Et j'ai pas fait attention. Et que du coup, on se serait retrouvé dans une espèce de hall vide. Okay. Tu vois, c'est vraiment. Alors là, pour le coup, il n'y a aucun son, il n'y a aucune vie. Ah. Ça sert à rien de visiter le 104 comme ça. Et puis surtout, ça fait pas des bonnes émissions. Voilà, et le 104, c'est chouette l'après-midi surtout. Okay. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. Mais je te conseille d'y aller. Hein. Oh, oui, il y a beaucoup de gens l'après-midi, en milieu d'après-midi. Il y a des gens qui pratiquent la danse hip-hop. Ah oui. Il y a des gens qui viennent jongler. C'est comme un parc, mais c'est à l'intérieur des anciens abattoirs. Et c'est un centre de création culturelle qui appartient à la ville de Paris, où il y a des artistes qui sont résidents. Et moi, j'ai un contrat de résidence avec eux. Ils m'hébergent là-bas. Et c'est là que tu fais ton studio. Voilà. Ok. Il y a de la danse contemporaine, il y a des ateliers d'artistes partout. Et toi, tu restes là. Ouais, moi, j'habite pas là, mais mon studio est là-bas. Ok. Et tu vois, c'est comme. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Toi, t'es de Québec. Oui, ville de Québec. Alors, je connais pas. Bah oui, il y a ses essais artistiques. Ouais. Toi qui travailles avec Jérôme Minière. Mm-hmm. Il vient souvent à Québec et il a été, il y a 3 ans. L'homme qui était pour le 20, il travaillait pour le 23e Radio Tour de ma radio, donc il était le protagoniste choisi pour faire de la publicité. Alors on prend un homme, un chanteur ou une femme, un chanteur, créateur, et c'est celui qui va représenter le Radio Tour de l'année en cours. Donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et c'est un artiste qui te ressemble un peu. Ouais, je trouve aussi. Oh, oui, mais tu dis autant dans. On est très copains, hein. Oui, ben, vous avez fait des choses ensemble, vous avez. Ouais, un petit peu. Mais on est devenus copains avant de faire des choses ensemble. Ok. Ah, à Paris? Enfin, non, une fois, j'allais au Festival d'été de Québec il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus. Et il m'a contacté. Ah oui, ouais. Quand j'étais avec JP Nataf. Mais à l'origine, je t'ai vu avec Souchon. Oh là là. Oui. Mais en France alors? Non, sur le DVD. Ah oui, d'accord. C'est simple. Alors où tu veux alors. Ah oui, c'est ça exactement. Arrêtez quoi? Ouais. Non, on parle pas de vous. Ok. Sympa. Ouais. Je pensais qu'elle disait vous arrêtez ça. Ben, je croyais aussi. Mais c'est pas ça qu'elle voulait dire. Okay. Vous arrêtez vos commentaires débiles à la suite. Oh, ok, ok. Tu devais la regarder. Hein? Tu devais la regarder du coin de l'œil. Non, même pas. Ah, ok. Non, non, okay. Non. C'est... Bon. Ouais, bah, ouais. Ouais, et Jérôme m'avait contacté en me disant ah, j'ai vu que tu venais à Québec. Mmh. Et lui, il était à ce moment-là, il faisait une grosse soirée au Grand Théâtre. Oui. Et du coup, il m'avait dit est-ce que tu viendrais pas chanter avec moi au Grand Théâtre. Et on s'est rencontrés en fait sur la scène du Grand Théâtre l'après-midi pour répéter. Quoi. Ok. Donc on s'est quand même rencontrés pour la musique. Après, on est devenus copains et puis j'ai joué sur son dernier disque. Mmh. Il m'a envoyé des morceaux par internet. Moi, j'ai fait des synthés chez moi. Je lui ai renvoyé en lui disant, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses. Mais c'est bien en 2012, hein, même pas besoin de se déplacer. Tu restes chez toi. Non, en plus, ça m'empêche pas de me déplacer. Oh, oui, oui, puis tu peux faire plein de collaborations ouais, un peu partout. Voilà, ouais. Puis j'avais joué aussi dans son show au théâtre, Cabaret Juste pour Rire. À Montréal. Francofolie, il y a 2-3 ans. À Montréal, oui, oui, oui. Mais toi, t'es né à Amiens, on va commencer par l'origine. Tu tournes là déjà? Ah oui, tout est prêt même. C'est... Ah, il y a deux enregistreurs différents. Ouais, mais ça, c'est mon côté un peu comme la dame, là. On sait jamais. Ouais, ouais. Donc, un peu de paranoïa là-dedans. Et tu fais pas un truc pour les synchroniser après pour être sûr? Quelquefois. C'est comme ça. Oui, je peux aussi, mais souvent, je choisis le meilleur des deux. Ah oui, d'accord. Ou le montage peut se faire autant avec lui qu'avec lui, dépendant si une voiture passe là. Ouais. Donc, c'est... Mais je peux aussi, j'avais réfléchi dans l'avion, j'ai dit. Puis je voulais essayer ça uniquement cette année, de juxtaposer les deux ensemble. Ouais, mais ça peut être pas mal. Ben, ça serait bon, hein? Ouais. Après, tu risques d'avoir... Ça peut peut-être bouger. On sait jamais, des fois, ça bouge de un tout petit peu. Je veux dire que le synchronisme de la voix voilà, peut faire comme un peu d'écho. Au bout d'un moment, ça peut faire un peu de phase. Mais, non, mais en faisant des petits bruits de 10 minutes... C'est pour ça que toutes les 5 minutes, tu fais un truc comme ça, et à la forme d'onde, à l'écran... Ah, aussi ça. Alors peut-être des bruits de 10 minutes... Au lieu de faire une heure et voilà. Mais tu vérifies comme ça que les trucs sont bien calés. Ah ouais, ouais, et ouais. Si eux sont calés, entre les deux, c'est calé. C'est pour ça qu'ils font le clap dans le cinéma. Oui, c'est ça. C'est pour synchroniser toutes les sources. Mais t'as-tu vu, j'y avais pensé et que tu m'en parles parce que je l'avais oublié, mais là tu m'en reparles et je vais le faire. Bah peut-être c'est utile. Mais avec le tien, ce sera. Et voilà, ce sera monté comme ça. Et je t'envoie le lien à la fin du mois de juillet, une fois que j'ai fait tout le montage. Et ce sera l'amalgame des deux. D'accord. Tu m'en diras des nouvelles. Et tu pourras juger comparativement aux autres que j'ai reçus à mon émission. J'utiliserai sans doute celui-là. Il est impressionnant. Et alors, c'est quel genre de chose? Un Tascam. Celui-là, c'est un Tascam. Ah oui, quand même. Okay. Oui, oui. Ben, écoute, j'ai rencontré M. Péchin, Yann Péchin, un bassiste. Un guitariste? Un guitariste bassiste. Oui, oui, guitariste. Oui, oui, oui, oui, qui a travaillé avec. Oui. Qui a travaillé, vieux copain. Oui, très bon musicien aussi. Pantalon de cuir, cheveux longs. Oui, oui, c'est ça. Et des. Merci. Et des Doc Martens. Oui. Oui, oui, oui, ça, c'est Doc. Ah, c'est un copain de 15 ans. Enfin, je le connais depuis 15 ans, oui. Oui, j'ai rencontré il y a 2 ans et je vais prendre une bière avec avant de quitter vendredi. Moi, j'ai rencontré à Montréal pendant la carte blanche à Alain Bachaud. Ouais. Il serrait la main, j'ai dit on se reverra. Puis 10 ans après, on s'est revus. Ouais. Mais lui, il a vécu à Montréal en plus. Oui, oui. Carole Laure et tout ça. Exactement. Ferry, puis toute son aventure montréalaise et planétaire. Hein, Lui diras bonjour de ma part. Je le vois plus jamais, mais c'est vraiment un vieux copain, j'adore. Il reste sur Robert-Camp, en fait. Comment? Il a déménagé sur Robert-Camp depuis 2 ans, donc. Il habitait déjà à Robert-Camp. Mais c'est parce qu'il s'est rapproché de. Oui, de 8. De 8 adresses, donc. Oui. Ouais, bah tu vois, je suis jamais allé là où il est maintenant. Et on a joué ensemble il y a très longtemps, puis on est restés copains, puis bon, tu sais, c'est toujours pareil. Moi, j'ai eu un bébé depuis 1 an. D'accord, ben là, tu sais, ta vie est finie un peu, là. Tu pourras lui dire que j'ai un bébé, je sais même pas s'il le sait. Ok, ben peut-être à travers les médias, non? J'ai pesé 10 kilos, dont 2 de vélo, en pantalon velours et des barres de éponge. J'ai chaussé du 18, du 28, du 30. 38. J'ai eu les faces rouges, du talc dans les langes, les cheveux gras et longs. J'ai d'ailleurs été blond de 0 à 8 mois, puis à 15 ans. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. J'ai menti à ma mère, volé de la monnaie. Ça, je n'ai jamais su me taire. On me l'a reproché, mais au moins à présent, je le sais, je le sais. J'ai eu l'air frénétique, hautain et colérique, ou mou comme une limace, comme un œuf que l'on casse. J'ai rêvé de judo, aïkido. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, je peux changer. Puis hier aux aurores, mon âme et puis mon corps, tordus par l'alcool fort, ont su te mal aimer. Je ne sais pas pourquoi, pas encore, pas encore. Mais tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Je peux changer. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé. Je peux changer, je vais changer. Yeah. Ça va bien? Watakoti, wakakoto, yanoumanoupino. C'est vous qui chantez ça? Moi, je dis Rita Biblo. Non, Rita Biblo ne chante plus depuis 2 semaines. Pourquoi? Parce que Rita Biblo nous a quittés. Elle m'a dit que l'émission n'était pas à sa hauteur. Oui. Parce qu'elle a répétissé. Elle a pris un bain de 2h15 avec... Avec qui? Avec l'acteur américain. L'acteur américain? Oui, oui, le grand. Le pas le grand? Oui, mais avec elle, ils ont pris et puis ils ont répétissé. Rita peut plus quoi? Peut plus correspondre à notre émission. Comment ça? Ben, j'ai dit que c'était diminuer son talent. Oh, ben voyons, ça va bien? Ça va très bien. OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir. Vas-y, champion, vas-y. Bon, on y va. C'est bon, c'est chaud. Il y a du soleil chez mon voisin. Vas-y, champion, oui, il y a du soleil chez mon voisin. C'est une étoile. Hey, le soleil, est-ce que c'est une étoile? Hey, toi, mon étoile? Oui, c'est moi. 3 étoiles. 3 étoiles, mais... Normalement, c'est de 1 à... de 0 à 5. Oui, toi, t'es 3 étoiles. Moi, je suis assez moyen. Plus que moyen, parce que sinon, c'est 2,5. Qu'est-ce qui est 2,5? Ben, la moitié, c'est 2,5 étoiles. OK. 3 étoiles, c'est un peu plus que la moitié. C'est juste 3 étoiles. Mais mon 3 étoiles, tu vas virer en 5. En monde ou en 5 étoiles. Oui, mon étoile. Là, on y va. On a continué. C'est là. Ça, on n'y va pas, là. Comment ça, on n'y va pas? On n'y va plus. Parce qu'il n'y a pas de conducteur résigné. Ben, je suis résigné à continuer. Non, pas toi. Regarde. Ça va bien? En monde où notre bande magnétique divulgue. L'oreille! L'oreille quoi? L'oreille, attendez. Si vous voulez parler entre vous, s'il vous plaît, merci. Ah, il fait beau, hein? Mais le mois de mai, c'est un mois de mai intéressant. Je te dis que les abeilles bourdonnent au printemps, puis on cherche... Oh, c'est... Hein, comment ça, c'est l'autre oreille? Voyons donc. Problème d'écouteur. Quand on a un problème d'écouteur, on fait semblant de parler. Non, on fait pas semblant. On vous dit bonjour, bonsoir. Bonsoir plutôt. Hey, il est presque 1h du matin. Êtes-vous prêts, vous, là? Moi, je suis très prêt. OK, moi aussi. Alors, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite dans ce recueil-là, là, sur la table. Voilà, pose-le là, sur la table. Là. La librairie. Oui. En fait, la lecture. Ah, oh, mais j'aimerais bien vous lire, Monsieur Grenier. Oui, mais je n'ai pas encore de livre. OK, on va attendre que vous accouchiez d'une œuvre. Allez-y, on attend. Oui, mais là, ça peut être long. Ben oui, non, mais accoucher. Ben, oui, mais là, d'une œuvre. D'une œuvre. Une œuvre. Une œuvre. Il est 1h30. Non, il n'est pas 1h30. Il est 3h15. Ah, oh, mon Dieu! Alors, c'est quoi la... Ah, oui. Chut! Il vient de se dire des affaires, là. Non, le monde ne s'en souvient même plus. Comment ça? Ben, voyons donc. Ils parlaient entre eux, là. Ils se disaient... C'est bizarre, hein, ce soir? Mais c'est tout le temps bizarre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la première phrase de Bukowski, c'est... À l'université de Los Angeles, c'est qui, ça? Los Angeles, ça, c'est aux États-Unis. Ah, mais c'est pas très uni. Ah, de moins en moins uni, les États-Unis. Et puis, ben, c'est à l'université de Los Angeles. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, je posais aux nazis. Ça, c'est Bukowski, hein? À l'université de Los Angeles, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, je posais aux nazis. Je posais des photos étranges, en fait, d'extrême-gauche, des gens qui avaient les cheveux longs et qui chantaient « C'est la liberté, c'est la fraternité, les blancs, les noirs, les jaunes sont nos amis, les femmes, les hommes, les mariages. » Les mariages, oui, les mariages ne sont pas tolérés. Ah non, nous autres, on est contre le mariage, les errants rénaldiens. On se dit, tant qu'à diviser nos biens communs, oui, il n'y a pas de traite communautaire. Non, moi, je me dis que la communication est très bonne entre, entre deux êtres humains, mais à un moment donné, il faudrait quoi? Faudrait pas quoi? Je sais pas, faudrait pas. Faudrait pas, puis... Pourquoi aller là-dedans? Dans quoi? Dans la communication... Dans la communion éternelle! La communion... Voyons donc, c'est quoi de la communion? Le mariage! Ah, mon Dieu! C'est quoi le mariage? C'est l'union d'un amour. Oui, c'est très bien. Oui, mais tu sais que... Normalement, là, quand ça va bien, ça va bien. Pourquoi signer? Pourquoi mettre les menottes? Les petites menottes. Ben oui, tu te maries, tu te menottes. Alors, tu peux pas t'émanciper. Au contraire, dans le couple. Hein, monsieur? C'est un vrai, lui, là. Il a été endoctriné par qui? Par Papal. Oh, Papal. François Papal. Mon François Papal m'a expliqué une affaire. As-tu déjà été en couple? L'Union unie. Les États me disent unis. Ce soir, le Québec s'unit à la francophonie. Oh, c'est beau, ça. Et le couple francophone communique avec toi. Oui, toi et moi, nous faisons qu'un petit réveil à travers le sommeil éternel. Elle cherche l'amour à travers les linceuls, mais seule, elle ne peut rien trouver. Et toi, le sommeur, tu cherches à la réveiller. Vas-y, champion, vas-y. Oui, on y va. Une cloche sonne, sonne. D'avoir d'écho en écho. C'est pourquoi qu'elle résonne. C'est pour Gilbert Bécaud. Une phare, une semelle. Voici la ritournelle. Oui, on y va. C'est pourquoi ce soir je dis que le mariage unit la déraison des maisons. Des maisons, ben oui. Tout le monde habite en appartement. Des condos. Mais des condos, c'est bien beau, des condos. Moi, je me suis acheté un 3,5, 350 000 piastres. Là, j'ai rencontré une fille. Puis là, la fille a dit, « Oh, il est beau ton condo. Mais merci, veux-tu habiter avec moi? » Oui, mais là, on veut des enfants. Je veux des enfants. Oui. Mais moi, non. Oui, moi, je veux, donc on veut des enfants. Voyons donc, oui. Tu veux, mais je ne veux pas. Hey, si je veux, tu veux. Comment ça? On est mariés. Oh, mon chien, aïe donc, on est mariés. C'est quoi ça? C'est les... On a signé. Oh, mon Dieu, on a signé. Oui, c'est vrai. Au bas de la lettre, j'ai signé mon arrêt de mort. Ben, voyons donc, oui. C'est beau, des enfants. C'est vrai. C'est grand, des enfants. Ben, à la naissance, ils sont pas si grands, là. Moi, j'aimerais bien avoir, déjà là, 4 pieds. Hein, assez musclé, qui pourrait m'aider, là, parce que moi, je bûche du bois et je bûche des maisons, je bûche les pitounes, puis ce serait très, très intéressant d'avoir un... Ben oui, attends, faut que ça commence tout petit! C'est quoi cette affaire-là, là? On est en 2013, on peut pas faire des enfants déjà à 14 ans, 15 ans, qui naissent à 14 ans? Ben non, c'est à zéro temps! Ça dépend, là. Si tu veux t'en occuper. Ben non, on est un couple, on va s'en occuper ensemble. Ensemble? Ben voyons donc, oui. Moi, j'ai pas le côté ma mère... Les enfants, oui, là, mais pas les miens. OK, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'en veux pas. J'en veux pas, puis on est bien de même. Oh non, moi, je suis pas bien. Mais t'étais bien au début. Ah oui, mais c'était pour avoir des enfants. OK. Là, t'es moins... Ah, moi, je me sens moins, là. Puis j'aimerais ça être dans le plus. Pour être dans le plus, faut des enfants. Ah, mon Dieu. Raymond, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, champion, vas-y. Ah non, arrête, oui. Arrête, tu me décourages. OK. Une moitié d'enfants. Ben voyons, ça se peut pas. Ben, on va en faire. Ben, ça sera la première moitié du monde. Oui, mais là, comment tu veux faire une moitié d'enfants? Ben, on va commencer, puis si on aime ça, on va continuer. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ben, ça va marcher de même. C'est quoi le titre du conte de Bukowski? C'est politique. Ça, c'est intéressant, là. Le titre de la nouvelle de Bukowski, c'est politique. Alors, on s'entend-tu pour dire que tout est politique? Affirmatif. 10-4. J'aime prendre le contrôle du ferme et gracile corps de démonia. Seul devant mon imac, en tenue d'Adam, je passe à l'attaque. Cette fille n'est pas facile, loin de là. De croix de rond, c'est mon premier coup. Démoniaque culbute, elle tombe à genoux. Souris, suis ma souris. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Souris, ma souris. Tantôt de face, tantôt de dos. Assoiffé de bonus, je cherche l'astuce, le détonateur. Degré de force, il faut que je glisse dans un interstice, une clé en or. Caracoler à l'écart des flammes, pourvu qu'enfin, armé jusqu'aux dents, démonia franchisse le col du Mont Blanc. Souris, suis ma souris. Tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt de face, tantôt de dos. Seul devant mon imac, cigarette au bec, je regarde l'heure. Il est grand temps d'oublier tout ça. Angèle m'attend dans la chambre en bas. Souris, suis ma souris. Souris, ma souris. Tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt de face, tantôt de dos. Tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt de face. On parle pas de mes bébés dans les médias, on en parle pas beaucoup de moi non plus. Pas... Mais qui, crois-tu éventuellement dans ton nouvel album en parler Non, mais par contre ça parle. Non, ça parle pas de oh j'ai un bébé. Okay. Parce que je me souviens que quand j'avais. J'étais fan de Higelin il y a longtemps. Plus maintenant j'étais... Oh si, mais maintenant je le connais, tout ça. Et enfin, tu as décroché après quel album? Ben justement, okay. J'ai décroché le jour. Enfin, c'est aussi dans mon évolution, j'étais un peu, ça me parlait plus trop à une époque, et c'est à l'époque où il a fait, je crois que c'est dans l'album Illicite, oui, ou okay. L'album d'avant. Illicite a été critiqué, ouais. Sévèrement. Mais non, c'est peut-être l'album d'avant, où il y a une chanson où il disait, à tomber je suis du ciel. Papa, c'est à la naissance de Izia. Oui, enfin. C'est tombé du ciel. Ah oui, c'est voilà. J'ai pas aimé cet album. Okay. Et il disait, je suis papa, et je me disais, ah bah voilà. Alors maintenant, il fait du parachutisme, il y a ciel bleu. Exactement. Moi, j'aimais Higelin, rock et noir, ouais, et dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Et là, d'un seul coup, il devient tout propre, ça m'énervait. Okay. Et j'ai plus aimé à ce moment-là. Et je m'étais dit, ah, le mec qui change et puis qui d'un seul coup veut chanter le bonheur de la vie et d'être papa, ça m'avait gonflé. Et donc là, je crois que je résiste. Moi, je suis papa maintenant, j'ai 41 ans. Et puis, j'ai pas du tout le même parcours qu'Higelin. Moi, j'ai pas un passé sombre, tu vois. Mais j'ai toujours en tête ce côté. Moi, je vais pas commencer à chanter la vie, quoi. Ça... Alors, tu crois qu'on peut pas modifier notre parcours ou, Si, mais je trouve ça tellement moins intéressant de dire ouais, je suis heureux, c'est chouette. Enfin, tu vois, Tu trouves que c'est tombé dans la facilité? Non, mais je trouve que c'est difficile de parler de la joie. C'est pas très intéressant, déjà. Et c'est, faut trouver une manière de parler de la joie, mais juste dire je suis papa, j'ai un bébé. Ouais, mais traîner a fait sa carrière là-dessus, il y a de la joie. Ouais, non, mais ouais. Traîner dans. Alors c'est marrant, Higelin traînait. Oui. Mais traîner, quand il dit il y a de la joie, c'est dans celle-là que Ficelle. En fait, non, c'est je chante. Je chante. Ouais. Je chante soir et matin, je chante demain matin, tout est beau. Tout... Et à la fin, en fait, tu comprends qu'il vient de se suicider. Ah ouais, ok. Ok, il y a un côté ficelle. En fait, c'est jamais gay. Ok. Et bon, je critique pas du tout Higelin, mais c'est juste que tu me demandes si je parlerai de mon enfant. Il va falloir que je trouve une bonne raison d'en parler parce que pour l'instant, c'est tellement génial que je vois pas comment ça pourrait nourrir une chanson. Ok, en c'est encore trop tôt, il n'y a pas de recul. Ouais, voilà. Okay. Par contre, la paternité, c'est complexe. Mm. Ça, c'est un truc qui me bouleverse et qui me. Donc, je peux parler de l'évolution de la masculinité, l'évolution des responsabilités, de tout ça. Ça, j'en parle. Et ça, c'est ma thématique de mon prochain album. C'est vraiment l'homme. Il risque de s'appeler Un homme. Et ça parle de l'homme, du couple. Bon, ça a toujours parlé du couple, les chansons, mais vraiment là, de l'évolution de tout ça, de comment certains hommes pètent un plomb et cassent tout. D'autres ont peur. Enfin, tu vois. Oui. Mais est-ce que tu crois que c'est à l'origine dû aux femmes qui, tranquillement, à la libération de la femme dans les années 70, nous ont amené à modifier nous-mêmes notre vision de la vie vis-à-vis elle et vis-à-vis le quotidien? Je pense qu'il était temps. OK, toi, t'es pour. Ah, oui, parce que là, j'ai vu une pièce hier de Virginie Despentes qui, elle, au contraire, trouve que le féminisme on reconnaît plus les femmes à sa juste valeur et c'est incroyable comme ça. Après, il y a des nuances sûrement et elle est tellement intelligente qu'à mon avis, c'est nuancé et intéressant. Dans l'absolu, moi, je peux pas défendre. Elle, à mon avis, elle est un cran plus loin que moi. Hein. C'est-à-dire que elle défend la libération de la femme forcément, mais après, ça veut pas dire qu'il faut considérer les femmes comme des hommes. Non. Parce que c'est pas le cas non plus. Non. Mais donc c'est sûrement un truc comme ça qu'elle dit. Mais en tout cas, ne pas considérer les hommes toujours de la même manière et comme des brutes, même si c'est quand même une des grande tendance. Québécois. Des bûcherons québécois. Quoi qu'il y a des bûcherons parisiens. Ah oui, il y a des bûcherons autant. Voilà, et puis il y a des abrutis qui ne sont pas des bûcherons. Oui. Mais les fans de Johnny Hallyday ou je sais pas. Ah, eux, c'est les gentils. non, mais il y a justement Johnny Hallyday, c'est vraiment l'icône virile française. Tu sais qui se déguise avec français, des... Ouais, mais sauf que c'est pas Elvis, quoi. Non. C'est le côté droite. C'est le côté... Je sais pas, vocalement, ça ressemblerait un peu à Éric Lapointe en chantant moins bien, mais okay. C'est le côté viril, quoi. C'est la défense de la virilité. Bon, ça, moi, je me sens pas du tout proche. Je comprends quoi pas qu'il trop. Quoi qu'il y a Bachung a pris cette voix-là un peu... Ouais, mais ce qu'il raconte est autrement plus sensible. Oui. C'est oui. Pas parce juste c'est les bagnoles. Oui, c'est pas le mâle viril que l'on... voyez dans les années 70 avant la féminisation avec les femmes ou qui se sont opposés Bon, tout ça pour dire qu'il y a 30 000 façons d'être un homme et que mon disque parle justement de la subtilité de l'homme du fait que l'homme est peut-être pas forcément comme ça, pas toujours en tout cas, et en tout cas pas moi, et j'en connais plein qui sont pas comme ça. Et est-ce que ça, il y a un homme rose un homme rose, c'est marrant. Mais là t'es rouge, donc un homme rouge. Ouais, c'est un homme nuancé. Ouais, en tout cas. Mais qui renie en aucun moment sa féminité sans virer homo, sans... Oui, c'est ça. Sa féminité, ou en tout cas sa fragilité, sa complexité, ses doutes. Ouais. Alors ça, moi, je ne suis que fait de ça. C'est pas compliqué? Si, énormément. Alors, on mais je suis à la sûr fois, que c'est compliqué aussi de dire « moi, je suis une grosse brute, tu vois. » Non, mais tu mets des ailleurs. C'est un mensonge aussi, bien sûr. Oui, mais c'est moins pire, je crois, avec les ailleurs. Ah, c'est plus facile. Nous, on enlève les ailleurs, donc on est comme des satellites, on capte tout, tandis ouais, que donc on est plus fragile. Ils sont dans leur conformisme, c'est plus rassurant de cracher par terre et de s'allumer une clope à la Lucky Luke. Oui, c'est sûr. Mais en plus, après, on choisit pas, quoi. C'est des natures, hein. C'est des histoires, c'est des parcours, c'est des je sais pas quoi. Mais c'est les amis aussi qui peuvent nous transformer, c'est notre classe, c'est nos lectures. Notre environnement. Oui. Mais moi je viens de la campagne, tu vois. Je viens vraiment de la campagne. J'étais au collège à la campagne. Le collège, c'est-à-dire, j'ai fait mon cégep avant le cégep. Trois ans avant le cégep. C'est le secondaire. Le secondaire, voilà. J'ai fait mon secondaire à la campagne. Okay. Et vraiment dans un collège de campagne. Amiens Est-ce qu'on dit Amiens ou Amiens? On dit Amiens. Amiens, ok. Et moi j'étais à 15 km d'Amiens dans un collège où

rappelle à mon souvenir. Et ce jour-là, les amours mortes n'en finiront pas de mourir. Terminé. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas, c'est pas le moment propice pour cette fin d'errance rénaldienne, puisque ça continue! Le moment, t'as eu peur, hein? J'ai la gouttelette qui a germé au-dessus de ma tête. Juste à côté de mon cheveu, là. Et puis dans la racine. Eh bien, ça a sorti de la racine. La racine. Pas le grand dramaturge. Oh, non, non, pas cette racine-là. Une toute petite racine, la mienne. Donc, bon. Alors, le moment s'invite à nous pour un allant rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons-y. Je vérifie si tout était allumé. Êtes-vous tout allumé, madame? Êtes-vous là? Oui, il était. Oui. Ah! Êtes-vous là, vous, madame? Ah! Bon, elle s'est pilée sur le pied. Pour se réveiller, elle-même se pile sur la grosse. C'est la grosse. Ben non, non, c'est pas vous, madame. C'est pas vous la grosse. Là. C'est l'orteil. Le doigt de pied. Le doigt de pied. C'est insignifiant d'appeler ça un doigt de pied parce qu'un doigt, c'est tellement beau. Puis un doigt de pied, c'est tellement laid. Vous aimez pas les pieds? Oh, je suis entouré de pieds dans ma vie, mon petit Gaétan. Qui toi que ils sentent bien meilleur du bas que du haut. OK. C'est comme le haut puis le bas Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, il y en a qui sentent bon, puis il y en a d'autres qui puent. Trouvez votre camp. Volcan, prends ton camp, votre camp. Fais-le, ouais, voilà. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Si je vous dis, madame, là, ça c'est pas le fil Ariane narratif, ça, là. C'est une constatation. Imaginez-vous, pendant le début, depuis minuit, j'ai trop parlé. J'ai trop de matériel sonore, là. Il va falloir que je me la ferme. Alors, on va te la boucler, mon mec. Ne t'en fais pas. Nous sommes 12, là. Oh, non, nous sommes 4. 12 ou 4. Tout à l'heure, nous étions 12. Maintenant, on diminue, là. C'est comme ton regard, là. Tu nous voyais deux, nous étions seuls. Ils entrent 4 par 4 en frappant du talon, en frappant du talon, la destinée, là. Et les vitres sont cassées. Non, ça n'a pas cassé. Heureusement, faut pas que ça aille. Il y a des grands artistes qui vont arriver bientôt, là. Il y a François Prépuce. Pas François Prépuce! Non, Pérusse, Prépuce, en tout cas, celui-là, là. Ah ouais, les puces, ah ouais, Pépuce, la petite tétus. Go, go, go, go, go. Elle est de nôtre. Il a déliré à ses KRL comme les autres. Ah ouais, François, ah ouais, François, prends le tovelle. Moi, y a pas d'eau. Non, ça, ils ont coupé l'eau, ils font des rénovations, là, en avant. Un samedi matin, des rénovations, ça va nous coûter un bras, ça, là, la vie. Ah, bon, ouais. Les autres, il l'a pris sauveur comme les autres. Au moins, ça coulera pas. Il est vide, donc c'est merveilleux. Ça, dis-toi là, que c'est un verre du Sahara. Il y en avait au début, mais tout le soleil l'a aspiré. Il y avait tellement soif. Lui, ça boit, ce soleil-là. Ça boit. Ça voit plus la fin d'arrêter. Le fil Ariane narratif, où lit Ariane? C'est dans la pochette. De cuir. Mais qui n'est pas du vrai cuir. On va dire la vérité, c'est du cuirette. Ben oui. Ça... C'est vrai, ça sent le cuirette. Ça frappe comme du cuirette, donc c'est du cuirette. Alors, on est tout cuit, mon cuirette. Au-delà de l'au-delà. Ça, c'est la phrase qui doit t'illuminer. Oui, qui doit m'amener où? Moi, je te conseille. On a parlé beaucoup de direction à cette émission-là. On ne sait pas pourquoi, là, mais on veut jamais perdre le nord, quoique ça arrive souvent. De quoi? Qu'arrive-t-il? Oh, c'est bien dit, ça, qu'arrive-t-il? On sent comme le dramaturge qui sommeille vers une phrase déterminée. Wow, je suis très déterminé à être indéterminé, moi. Veux rien savoir! OK, ça part bien. Ça part très bien. Alors, c'était quoi la phrase? Au-delà de l'au-delà. Il y a en haut. Et plus t'es en haut, bien sûr, moi, t'es en bas. Là, on est dans la simplicité volontaire, intellectuelle. Là. On perd personne. Ben, on a perdu Rita, elle est tombée par terre. Ben oui, on lui a dit, mais pas de talons hauts. Elle là, puis elle se prend pour une jeunesse. Là. Hey, à 103 ans, des talons hauts, ça tombe de haut. Moi, je suis plat. Moi. J'ai toujours été plat. La tête plate, les souliers plats. Même j'ai, comment t'appelles ça, là, les pieds marins. Ah oui, ben oui, c'est pour ça que ça tangue. Oh, mon dieu, non, c'est les pieds plats. Ah, les pieds plats. Comment ça, j'ai dit les pieds marins? Je sais-tu, moi? Je suis pas dans ta tête. Heureusement. Heureux, il y a du monde là-dedans, moi, là. Hey, on était 15 dans un sous-sol pas éclairé. C'est où, ça, le sous-sol? Ben, c'est ta tête. Ah, je pensais que c'était le grenier. Ah, non, moi, c'est le sous-sol. En bas du soulier. Non, oui, près du talon. Puis moi, il n'y en a pas, tu sais, moi, je te l'ai dit. Moi, si je me glisse, là, je me tombe. Ah! Tu tombes dessus, je me tombe. Oui, je me tombe dessus. Puis je me fais mal. Aïe, à moi-même, bien sûr. Là. Tout est par rapport à moi. Là. Mon talon, ma chute. Ah! Et comme au théâtre, y en a-t-il? Y en a-t-il quoi? Y en a-t-il une chute? Y en a-t-il pas? Y en a-t-il pas, puis il n'y en aura jamais, parce qu'on ne sait même pas où ça va finir. Là. Ça peut être comme ça, comme plus tard. Plus tard. Hier au soir, c'était plus tard, mais tu verras maintenant que c'est pas le temps. Le temps de quoi? Le temps d'une... Joe, c'est comment t'appelles ça? D'un appareil à sous. Je suis un appareil à soupir. Tout m'inspire de la musique, moi. C'est toute une musique. Non, mais pendant une soirée, à un moment donné, il y a quelques années, j'enchaînais chanson sur chanson. Juste les mots m'amenaient une chanson. Quoi qu'il faut en connaître pas mal, là, moi, écoute, t'as pas frère Jacques, puez-vous, changez vos chaussettes. Chaufrette? Non, ça, c'est autre chose, ça, c'était au mois de janvier. La version chaufrette, là, c'est du début décembre jusqu'à fin mars. Là, au début avril, c'est une autre affaire, là, c'est vraiment la vraie version, là. Que dormez-vous, ça, de les matines? Bon, c'est les matines. Toutes les Martines pensaient que c'est, on parlait d'elle, puis là, ils se sont demandé à un moment donné, c'est comment ça qu'on me dit Martine? Moi, c'est Martine. Ben non, c'est Martine. Martine, ben oui, quand tu prends une tranche de pain, qu'est-ce que tu fais? Tu la matines. Non, moi, je la tartine. Ben moi, je la matine. J'ai bien le droit de faire ce que je veux avec ma tranche de pain, moi, là. Ben oui, fâchez-vous pas. Je me fâche pas, je suis devant une incompréhension. Quand on saisit pas, ça me rend comme ça, moi. Je peux pas, je suis un incapable. Oh! Il y en a plusieurs comme ça. Oui. Oui, plus t'es en haut de la hiérarchie, plus t'es un capable incapable. Hey, à un moment donné, t'étais pas là, hein? T'allais monter en haut, puis tu jugeais les gens qui étaient en haut. Maintenant, t'es en haut, puis tu te fais juger, tu te rends compte que, hey, on peut pas changer grand-chose là-dedans. Nous autres, on fait partie d'un rouage, là, assez énorme, fait que on va essayer de passer ça là comme mieux que ça que hein, on va tenter. Ben oui, à force de tenter, on tâtonne, quand on tâtonne, on fait rien. Hey, on disait on va changer quelque chose, mais là, tu te rends compte que ça change rien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, absolument rien. Oh, hey, attendez, avec Charles Trenet, la musique a bifurqué. Ah, la chance aux chansons. À bon entendeur, salut. À Pompadour, mon étoile brille. Dans les remous, mon corps ondule. J'en ai rêvé, enfin la quille. À poil, dans un peignoir en or, pieds nus sur la moquette épaisse, j'arpente de longs corridors, caresse les murs en peau de fesses. Je te manque, c'est certain. Je suis bien, enfin. Ici, la musique est bien douce. Dans ma chambre et partout ailleurs, les violons nagent dans la mousse. C'est la douceur, c'est l'ascenseur. Je sympathise avec des gens âgés venus d'Orient. On ne parle pas, ils sont sourds. On se regarde, on fait l'amour. Je te manque, c'est certain. Après minuit, l'hôtel est mort. Je me cannabis et me saoule. Zappe du pouce, priant le sort de m'offrir un film de boule. Les bains de boue, d'algues et de bulles. Mon regard meurt sous les concombres. Ma mélancolie s'accumule, je me dissous dans les décombres. Je te manque, c'est certain. Je te manque, je suis bien. C'était assez violent et j'avais du mal à trouver. Ouais. Bah, je sais pas, j'y suis plus collégien. Si ma mère habite toujours là-bas, j'y vais, mais puis, j'ai plus de violence. Moi, je suis adulte maintenant. Oui, mais est-ce que tu peux faire la part des choses et aller voir s'il y a une. Je pense que ça a dû évoluer parce que le monde est de moins en moins rural aussi. Okay. Que malheureusement, la différence, la perte des agriculteurs, aussi la perte du milieu rural. Les gens sont de plus en plus des urbains qui viennent vivre à la campagne. Uniformité, hein. Ouais. Donc il y a moins de. Malheureusement, c'est pas les gens ruraux qui se seraient ouverts, c'est qu'ils existent de moins en moins, quoi. Et ça, c'est dommage. Mais le terroir n'est plus, ou presque non, plus. Voilà. Alors, toi, tu as commencé à vivre en région avant d'arriver, en campagne, avant d'arriver en ville. Es-tu débarqué ici à Paris au début, ou si au contraire, tu as voyagé un peu partout? Il y a eu plusieurs étapes. Je suis allé faire une école d'art plastique parce que j'étais en échec. Scolaire quand je suis arrivé. Donc okay, j'étais à la campagne et puis après j'ai voulu préparer mon cégep, donc nous ça s'appelle le lycée. C'est ça. Et là je suis arrivé à la ville, j'ai découvert la bière, les filles, les joints, tout en même temps. Ah, la débauche. Parce que je venais de la campagne, okay. Et donc tout m'est arrivé à la ville, tu sais. Les Ramones, ben, moins pire peut-être. Le côté Ramones, le groupe Ramones. Ah, je connais pas. Un groupe punk. Ah, les Ramones. Ah oui, les Ramones. Pardon, ouais. Non, nous, c'est les Ramones. Ah, les Ramones, oui, ça ramonait. Los Ramones. Oui, oui. Oui, oui, ben c'est ça, c'est d'un coup... Moi, c'était Amiens, c'était une petite ville, mais j'ai tout de suite eu... Mais la ville, c'est ça, là, c'est une coiffure d'Indien Iroquois et tout ça. Ouais, punk, ouais. Et puis, donc, échec scolaire catastrophique. Et je suis parti en Belgique dans une école qui m'a vraiment restauré. Compris vraiment, aussi. Ouais, ouais, hein? Vraiment. Qui s'appelle Saint-Luc, qui est une école d'art plastique, où j'ai passé mon bac. Alors, en Belgique, ça s'appelle les humanités. Les en humanités. Suisse, ça s'appelle la maturité. Mais les humanités. Les humanités, okay. Ouais. Et le cégep. Ah, j'aime ça. Et le lycée en France. Ah, le bac. J'aime ça. Les humanités. Les humanités, c'est, ah, c'est beau. Merveilleux. Et c'est, en Belgique, c'est magnifique. L'enseignement est vraiment beaucoup mieux qu'en France. Pourquoi, tu crois ? Plus humain. Ah, moins ouais. Industriel. Il n'y a pas plus de moyens, mais les gens sont plus. C'est une vocation, professeur. Ils considèrent hein? Plus okay. Les élèves. Ouais. Ils ne les méprisent pas. Ah. Et moi, on m'a vraiment entendu. Et donc, un an après, j'avais plus d'Iroquoise sur la tête. Enfin, tu vois, ouais. Ça m'a vachement... Oui. Ça y est, ils viennent te chercher. Ah oui, oui, je sais. Mais ils viennent souvent. Et puis après, donc, ça m'a vraiment... En plus, je faisais des arts plastiques. Et là, ça m'a aussi vraiment sensibilisé et transformé, je pense. Et puis après, je suis allé à Paris. J'ai eu envie d'arrêter les arts plastiques pour faire de la musique parce que parallèlement, j'en faisais de plus en plus. Et puis j'ai eu envie de devenir musicien professionnel. Tu as commencé à jouer de la guitare ou à du piano. Piano, du piano, ouais, des synthés. J'avais un petit synthé chez moi. Et quel ça. Instrument que tu joues quelquefois? Tu places quelque chose dans la bouche et tu souffles en... Ah, avec Souchon, je jouais ça. Ouais, ouais, ouais, c'est quoi? C'est un mélodica, ça okay. S'appelle. Un petit clavier dans ouais. Lequel on souffle. Ouais, okay. C'est un truc, c'est comme un accordéon ou un harmonica, c'est des lames qui vibrent. Ok. Et on souffle dedans pour les faire vibrer au lieu de brasser avec les bras. Mais ça me faisait penser un peu à, tu sais, les gens qui... d'un instrument où on envoie du souffle avec les pédales. Oui, l'harmonium. L'harmonium, ouais, ça ouais. Fait pas ça l'harmonium. Oui, c'est un son très nasillard. Ouais. Okay. Et donc, c'est ça, tu as commencé à jouer du piano. Oui, du piano, des claviers. Et j'étais fou de ça et je me suis dit, en fait, je veux pas être dessinateur, je veux pas être dans les images. Pourquoi? Ben, parce que je voulais être musicien. En fait. Okay. Et ça a pris la place. Tu sais, une forme artistique peut en remplacer une autre. Ouais, ouais, ouais, t'as ouais, besoin ouais. D'exprimer quelque chose voilà. Après. Si tu deviens peintre, musicien, écrivain, et l'un remplace l'autre, mais l'autre reste un peu au fond quand même, il reste là, tapis dans l'ombre. Dilette, hein. Ouais, ouais. Mmh. Et donc voilà, j'ai choisi la musique au centre et les images, l'image, le dessin en dilettante. Et je suis arrivé à Paris pour faire une école de jazz, je devais avoir 18 ans. Et parce que nous, on a un enseignement musical qui est minable par rapport au Québec. Alors je cite très souvent à des amis qui ne connaissent pas le Québec. Je leur dis, rendez-vous compte, parce que le niveau des musiciens au Québec est fantastique, fantastique. Tu connais des gens comme Alex McMahon, oui, des ouais, de ouais, gens, ouais. C'est Jean-Phi Goncalves, et tous ces musiciens qui sont des copains à Montréal. Mais tous, mais le moindre, le premier musicien, le plus mauvais musicien québécois est, un excellent. Est meilleur que le meilleur musicien français. J'exagère, mais ouais, ouais, je ouais. Cite souvent l'exemple de Philippe Brault, qui a son cégep de basse électrique. Oui. Mais... Si tu racontes ça à n'importe quel Français, dis ça à Yann. Mais Yann, il connaît bien le Québec. Yann Cochin, ouais. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Nous, on a un cégep avec un tout petit peu d'art plastique, avec un tout petit peu d'économie. Mais cégep basse électrique, c'est tellement précis, tellement pointu. Ça veut dire à quel point la musique est entrée dans l'éducation, à quel point l'art est respecté. Mais beaucoup plus respecté, transmis et tout ça. Nous, si tu veux faire de l'art, faut y aller. Et par contre, les artistes sont plus soutenus. The king of the dogs. smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs. Ah, je veux jouer, hein, monsieur! Monsieur Brisebois! Oui, c'est moi-même en personne, mon petit champion numéro un! Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Hier, lorsque j'ai parlé à quelqu'un, enfin, à qui? Un citoyen, OK. Il m'a demandé comme ça. Tout bonnement. Ah, mon Dieu! Tout bonnement vers la Georgette, tout me dodo, tout la lorée, tout le long de la Georgette, il y avait toujours la belle. La belle qui? La belle Georgette? Même si tu fais le tour, là, dans le milieu, c'est qui? C'est plein d'amour, oui. C'est plein d'amour depuis combien de temps? Oh, moi, j'ai 25 ans. Oh, qui l'a chanté? 25 ans d'amour entre vous et moi. Mais là, ici, actuellement, c'est 40 ans d'amour. 40 ans d'amour entre vous et moi. 40 ans d'amour, ça ne s'oublie pas comme au premier jour. Merci. Mais là, hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, t'as-tu reçu tes journaux? J'ai dit, voyons donc, j'ai le bouchon de Liège rentré dans le timpanse. Ai-je bien entendu, je l'ai fait répéter. J'ai dit, voulez-vous me le répéter? Voulez-vous, dites-moi. Oui, ben je te l'aurais dit, t'as-tu reçu tes journaux? Ouais, non, mais j'ai des journaux. Journaux? Non, mais c'est francophone, le journal, là, c'est rentré dans les mœurs et coutumes. Hey, garde-moi là, quand je rencontre deux quadrupèdes... Un cheval, deux chevaux. Un journal, deux journaux. Oh! Ouais, t'es dans la seule école, toi, là. T'as pas évolué? Je préfère pas évoluer là-dessus, moi, là. Non, mais écoute, faut un minimum, puis le minimum a franchi, ça a des raisons, là. Dire autrement, des mots, ça devient presque... Ça devient irrévérencieux envers la langue. Ah, mon Dieu, la langue de qui? Ben, la langue de Michel Tremblay, la langue de Molière, la langue de Gaétane. Ah, mon Dieu, t'as connais? Ah, je les connais, les trois, moi, là. Ah, c'est... surtout la troisième. Ah, Gaétane. 12 Gaétane, c'est une dramaturge, hein? Elle se plie sur son sort et écrit son œuvre, son journal d'abord. Ah, mon... Et puis d'abord... D'abord, c'est très beau. D'abord, c'est très poétique. D'abord, ça raconte toute l'évolution de notre belle citoyenneté québécoise. Ah, mon... Et puis, elle écrit ça avec sa petite main frêle. Frêle, ah oui, tremblotante. Parce qu'aujourd'hui, elle est 92, là, elle tremblote de la feuille. Puis, mais elle a toujours sa lucidité intellectuellement et vive d'esprit. Tu lui dis bonjour, puis elle te répond. Elle dit quoi? Elle dit, oh, j'ai mis mes lunettes, moi, là. Oh, j'ai mis mes lunettes. Ben oui, mais je te parle, c'est pas important. Ben oui, oh, j'ai mis mes lunettes. Ben, je sais-tu, moi? Rosario, t'as mis ses lunettes? Dans sa manche. Elles sont dans ta manche, mémé. Mémé, ben c'est vous, mémé. Arrête de m'appeler mémé à mon âge, je suis tout à fait jeune. Non, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai perdu la tête. Ça fait des bonnes émissions, mais c'est pas très gentil envers vous, là. Alors donc, je m'excuse infiniment. Bon, je vous embrasse partout, puis... J'ai très bien, très bonne. L'errance rénaldienne... Non, quoi que... Il faut mentionner les choses comme elles le sont, oui. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs. Merci. Et surtout visuel. Parce que vous allez pouvoir voir le radioton, l'émission, ce que vous avez actuellement entre les oreilles sera disponible sur le site internet de l'émission avant la fin du radioton. Normalement! Non, moi aussi, j'ai pas... attraper un cheval de trois. Moi, c'est le cheval de quatre. Hey, c'est pas facile à enlever, le cheval de quatre. Ouais, mais de trois, c'est encore pire. Ben, non. Hey, ils sont rendus à une autre version. Toi, là, t'es archaïque, là. Là, dans l'informatique, à un moment donné, il y avait des virus. Hey, c'est vrai, des virus. J'ai même appelé mon chat virus, moi. Il était noir. Puis je sais pas pourquoi, ça m'amenait ce nom-là. Puis l'autre, ben, je l'ai appelé Betty. Pourquoi? Pour le film de Claude Chabrol. Ah, mais ça n'a pas été un grand succès, ça. Non, c'est vrai. Mais c'était avec Marie Trintignant. Oh! Oh! Quoi? Oh! Qu'est-ce que t'as? Oh! OK, on va pas plus loin. Alors, le moment... Oh, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Avons-nous du noir désir? Non. C'est vrai, c'est bizarre, c'est triste. J'en ai pas placé. Alors, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit. Y a-t-il des gens qui font des liens, là? Gaétan? Ah, moi, regarde, j'ai déjà de la difficulté à faire ma maille à l'envers, ma maille à l'endroit. Là, je suis rendu à l'endroit ou à l'envers? Ben là, vous êtes à l'endroit assise. Oui, assis là, devant toi. Oui. Et je me berce la prothèse. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, je veux faire, comment t'appelles ça, dans un foulard. Oui, vous trouviez même pas le mot foulard. Non. Je trouve plus rien, moi, là. Je tricote. Puis là, je me suis dit, j'espère que ça va être prêt à l'hiver 2014, là. C'est un foulard de 12 000 pieds. 12 000 pieds? Ouais. Ouais, c'est pour une girafe. Ouais, au jardin zoologique de Granby. Oh, c'est une belle place, ça. Une très belle place, mais malheureusement, on les place en prison. Eh, c'est vrai, ça. Les animaux en prison, pourquoi pas les voir en liberté? Ben là, c'est parce que la dernière girafe, moi, que j'ai vue, là, c'était mon bibelose. Il y a un beau que j'avais offert à ma petite fille. Ah oui, elle était tellement heureuse. Là. C'était un pouing-pouing. Tu pressais, ça faisait pouit-pouit. Oh. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui ai rendu pouit-pouit un peu. Fait que là, je tricote à l'endroit, à l'envers. Puis si tu manques une maille, ça fait quoi? Ça fait une double maille. Oui, une double maille. Oh my my. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. Non, mais j'ai pas le cheveu mouillé, moi, là. Pis encore là, je vais pas faire la version de... Comment qu'il s'appelle? Le soir, je me réveille pas comme d'habitude. Comment qu'il s'appelait, donc? Monsieur, il s'appelait... Donnez-moi des exemples, là, des indices. Voyons donc, c'est... Le téléphone pleure, là. Ben oui, c'est lui. Et ça va, et ça revient. La la la la la la la la. Bon, on va tout chanter son œuvre, mais on dira pas son nom. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Claude François! Bon, c'est pas lui le lien de narratif, là. Non, ça, c'est juste le mot qui m'est arrivé à l'idée. Aïe donc, à l'idée. Ben, à l'idée de le dire, là, parce que les gens attendaient. Ils tentaient de lire sur mes lèvres, et puis... Ben, j'ai de la gerçure, moi. Non, c'est de la gerçure. J'ai de la gerçure dans vergeture. Aïe donc. Ça fait mal, hein? Mais on m'a dit que c'était normal, c'était la fin de l'hiver! Tu te mets rien pour te protéger la lèvre, toi, là. C'est ce qui t'arrive, là. Puis, en tout cas, tu vas vivre avec ça pendant au moins 2-3 mois, là. C'est de la peau qui s'enlève. Ça va revenir, ça va renaître. C'est le perpétuel recommencement. Hey, c'est beau, ça, ce que vous venez de dire, là. Ah, tout ce que je dis, c'est beau, moi. Mais c'est pas les oreilles qui sont toujours bonnes à comprendre tout ça, moi, là. Bon, quand le soleil... Oui, quand le soleil... Quand le soleil fait le glamour au compte d'épargne. Ben, on passe-tu à un autre appel? Ben, non, on va continuer. On peut-tu leur dire? Parce que là, ça me dit absolument rien. Avance ton micro, toi, là. Oui, OK, merci. Alors, c'est quand le soleil, si on le sait, le soleil, là, fait le glamour au compte d'épargne. C'est triste, cette phrase-là. Je sais pas comment ça, j'ai eu cette idée irrévérencieuse, là, mais compte d'épargne, ça me bloque. Alors, on va laisser le compte d'épargne quand le soleil fait le glamour. À qui? Ben, à Rita Bibelot. Moi, ça me rappelle la chanson Cowboy, là. Non, Western. Western Cowboy Country. Non, là, il faut pas diviser ça tout seul. Il y a le country, puis il y a le Western. Le Western, oui, le Western moderne, comme disait MC Solar. Oui. Mais c'est plutôt le classique, là, québécois, là. Willie Lamotte, lui, c'est du Western, c'est pas du country. Oh, OK. Alors, ben, c'est lui, c'est quand le soleil fait le glamour. Non, lui, c'est l'amour. Hey, quand le soleil fait l'amour aux montagnes, c'est pour ça qu'il y a des éruptions volcaniques! Oh! C'est des moments précieux, ça, là! C'est très précieux. Même le... Comment t'appelles ça? L'écouteur est tombé. Ouais, mais ça, les gens l'ont pas su, l'ont pas vu, l'ont pas entendu. Ah, ils l'ont entendu, c'est capté, ça, là! Les radios, les micros de CKRS sont tellement puissants qu'on peut malheureusement entendre ta voix. Oh! C'est triste. Ah, ça, c'est le moment le plus difficile, là. Là, ils se sont dit là-bas, là, assez correct. Comment ça, on n'a pas fait des micros, mais qu'ils prennent pas sa vibration, lui, là? Vocale, parce que lui, c'est quoi? C'est un ré majeur. Ré majeur. Amen. Amen. C'est très majeur, là. Ré. Amen. Ré man. C'est pas comme le film avec Dustin Hoffman. Oui, c'est Rain Man. Alors donc, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Et là, nous allons entendre Barbara Grassi. Enfin, je le crois. Est-ce qu'on peut entendre le premier, le soubresaut? Hein? Pas certain. Vas-y donc, ouais. Oh, c'est ça. Oui, merci. C'est en plein ça. Donc, Isabelle, Barbara Grassi, et vous allez voir que l'on peut s'attarder à des trucs très intéressants, quoi. Les rencontres peuvent être effervescentes. Ah non, c'est pas ça! Non, non, c'est... Oh, OK! Hey, attention! Attention, monsieur Grenier, vous vous êtes trompé de feuille. Ben oui, c'est Alex Bianchi, 2011, que j'ai rencontré en 2011. Alors, on continue. On y va. Il y a eu comme un petit problème technique. Non, c'est dans ma tête. Ah, c'est toi, c'est... Totalement improvisé. Ça n'a pas l'air, j'espère. Non, c'est très naturel chez toi. Ah ouais, ouais. Là, on fait une vérification sonore, là. Oh. On y va? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Voyager, c'est trop dur. J'suis pas un cowboy, mais j'aime ça. Après, on a un statut d'intermittent du spectacle. Oh oui, oups, oui. Donc, on est plus assisté, okay. Mais on est moins. Alors, on est plus créatif, mais on est moins solide. Donc souvent, on voit des musiciens, par exemple, qui savent beaucoup moins bien jouer de leur instrument, mais qui sont un peu plus créatifs, un peu plus fous, et qui font un peu ricaner les Québécois parce qu'ils disent « mais il n'est pas capable de jouer sérieusement ». Oui. Et nous, on voit des musiciens, quelquefois la caricature inverse, ce seraient des musiciens fantastiques, mais un petit peu moins artistes, des fois un petit peu moins libres, un peu plus balèzes, un peu plus forts. Oui. Mais plus on y connaît, moins on est libre. Alors nous, c'est des gens un peu plus naïfs, avec l'avantage d'être un peu plus libre, mais l'inconvénient d'être beaucoup moins fort. Oui. Alors, mais aussi, peut-être que le côté improvisation peut aider là-dedans. Yann en est un exemple formidable de liberté de quête de liberté. Oui. Yann, tu peux pas l'enfermer. Non. Il voudra jamais jouer exactement ce que tu lui demandes. C'est la qualité et le défaut de l'artiste. Et c'est ça qui est formidable. Mais c'est pour ça aussi qu'il peut pas faire des concerts avec tous les chanteurs. Non. Il se tient avec Brigitte Fontaine qui le laisse avec Bachon. Il faut lui qui laisser le laissait, de la place. Higelin qui le laissait. Donc. Yann a beaucoup souffert. Enfin, il a fait le métier, hein, le métier d'accompagnateur. Oui. Il a accompagné des chanteurs de raï, de musique algérienne et tout oui. ça. On appelle les ça la musique du monde, là, je comprends pas. Ouais. Et où là, tu es obligé de te contraindre beaucoup. C'est vrai. Il a accompagné Sylvie Vartan. Donc c'est un mec mais qui a été pas capable fait ça de ça. Longtemps, non, non. Vartan, ouais. Mais il a, à un moment, il a dit bon, attends, ça suffit, moi je vais être un artiste. Oui. Là, c'est un parcours marrant, Yann. Hein, atypique. Complètement. Un peu comme le tien. Oui. Un peu comme le tien. Ouais. Je sais qu'à un certain moment donné, tu restais sur le même étage que. Qu'une chanteuse française que l'on adore au Québec. Yann Chéral. Oui, mais je. Même étage et. En tout cas, dans le même immeuble. Même lit aussi. En fait, on okay. a été ensemble pendant 4 ans. Ah, ok. Oh, ouais, c'est pas grave. Je vais lui. Ok, vous étiez. Tiens, je sais, il faut mouiller un peu la table. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Oh, il était bon. Voilà. C'est vrai. Oui, excellent. Et donc, ok, vous étiez. Oui, c'était ma fiancée. Ok. On a été pendant 4 ans et puis on a travaillé ensemble. J'ai produit un de ses disques aussi. Oui. Et puis nos labels étaient sur le même palier aussi, c'est drôle. Alors, elle était chez Tôt ou Tard et moi j'étais chez 5-7 et ils sont sur le même palier. Okay. Et maintenant elle a quitté Tôt ou Tard, elle est chez Barclay. On est séparés depuis quelques années, ouais. 5 ans. Et moi j'ai changé de palier, je suis passé de 5-7 à Tôt ou Tard. Donc maintenant je suis chez Tôt ou Tard. Avec Vincent Delerme et. Voilà, tous mes copains. JP Nataf, Mathieu Bogart, Dick Hangar. Et vous collaborez également ensemble. Oui, hein, bien sûr. Beaucoup. Est-ce que c'est une famille ou si c'est vraiment quelqu'un qui. Une maison de disques Non, c'est pas la maison de disques. Okay. Il se trouve que la maison de disques a les mêmes goûts que nous. Donc, nous, on est musiciens et artistes et on s'aime entre nous. Donc, on se voit et on mange. Il se trouve que cette maison de disques a les mêmes goûts. Donc, forcément, c'est eux qui nous demandent de faire des disques. C'est eux avec qui on devient copains parce que. Mais la maison de disques, vous en recrutez ou si c'est vous? Non, c'est que. C'est comme les journalistes qui aiment ce qu'on fait, on finit par les connaître. Oui. Les maisons de disques qui aiment ce qu'on fait et qui nous proposent des contrats. Okay. Tu vois, c'est qu'on a tous les mêmes envies. Donc, maisons de disques, musiciens, producteurs, éventuellement journalistes, vidéastes, cinéastes. Ouais, c'est pareil partout. Hein. Comme il y a des clans Regarde. De Johnny, il y a des clans de voilà. Albin de l'Espagne. Pierre Lapointe sera forcément plus copain avec Ariane Moffat et Yann Perrault. Avec je sais pas qui ouais. moi non mais je veux dire enfin oui avec moi oui mais vous êtes pas du même univers c'est ça que tu veux si nous on est okay. très je veux dire on sera plus amis ensemble okay. que avec Éric Lapointe je prends cet okay. exemple là okay. c'est pour dire il y a des affinités quand même on finit par se rencontrer se reconnaître moi je deviens un copain avec Jean-Marc Vallée ouais. c'est pas pour rien non plus non, c'est ouais. qu'il y a une sensibilité commune que je travaille avec Vanessa Paradis qui adore Jean-Marc qui me présente Jean-Marc tu vois enfin quand on a des affinités des atomes crochus il y a pas de voilà on finit par se rencontrer et c'est la même chose avec un label. Le label, c'est pas un hasard. Tu vois, il produit Thomas Fersen, il produit Dick Hangar. Oui. À un moment, forcément, je rencontre ce label. D'ailleurs, c'est le directeur de ce label-là qui m'a présenté Jeanne Chéral, qui a été ma fiancée. Okay. C'est pour dire, ça communique, forcément. Tout communique. Alors, vous êtes comme un microcosme. Voilà, c'est ça. C'est pas famille, c'est des atomes crochus qui, forcément, ça crée un microcosme. Non, exactement. Une petite famille de. Voilà, enfin, des liens, une ethnie. Puis des similitudes. Une ethnie ouais, artistique. Oui, oui, au Québec, on aime bien les ethnies. connu la guerre. La la la la la. N'a pas connu la guerre, la balle dans le genou, la rizière de l'enfer, les prisons de bambou. Menottés, serrés, tortures et cris, évadés, vengés, lâchés par Paris. Mon ami mythomane n'a pas connu la guerre, n'a pas connu la guerre du tout. Mon ami mythomane n'a jamais fait l'amour, n'a jamais fait l'amour à des hommes et femmes. La nuit dans le velours, les chaînes et les larmes, menottés au bar, dans un ministère, harnachés de cuir, fouettés par la reine. Mon ami mythomane n'a jamais fait l'amour, n'a jamais fait l'amour. Mon ami mythomane n'a pas connu l'étrange, n'a pas connu l'étrange, le retour à la vie, Angela bas orange de son meilleur ami, le marabout secret du maire de Paris, la dent arrachée à Salvador Dali. Mon ami mythomane n'a pas connu l'étrange, n'a pas connu l'étrange du tout. La la la la la. Mon ami mythomane n'a pas connu la vie. Pauvre petit. N'a pas connu la vie, l'enfance, la famille, le temps, les saisons, la bagarre et les filles. C'est du vent, de l'air, une vue de l'esprit, de mon imaginaire, de ma mythomanie. Car mon ami mythomane n'a pas connu la vie, n'a pas connu la vie. Car mon ami mythomane n'a pas connu la vie, n'a pas connu la vie du tout. Chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.